Today, sixteenth of June, year 2017, on Friday. So I would like to continue from yesterday. We reached to the Eightfold Noble Path. Nous sommes aujourd'hui vendredi 16 juin 2017. Hier, nous avons parlé du noble octuple sentier. Nous avons expliqué que ceux qui désirent pratiquer Vipassana dans le but de se libérer de la souffrance, dans le but de réaliser Magga et Phala, le chemin et le fruit, et d'atteindre ainsi l'illumination, doivent suivre ce noble octuple sentier. C'est le seul chemin qui mène à Magga et Phala, à l'illumination. Notre but, lorsque nous pratiquons la méditation Vipassana, c'est de comprendre en quoi consiste la vie, en quoi elle consiste réellement, comprendre la réalité. C'est également dans le but de diminuer les pollutions mentales et éventuellement de les éradiquer complètement, d'atteindre la purification et donc de se débarrasser de la souffrance. Pour y arriver, il faudra obligatoirement pratiquer le noble octuple sentier. Comme je vous l'ai expliqué hier, ce noble octuple sentier comprend trois sections, sila la moralité, samadhi la concentration et panya la sagesse. On parle des trois chemins, le chemin de sila, le chemin de samadhi, le chemin de panya. On parle aussi des groupes, des khandas. Sila Kanda, Samadhi Kanda et Panya Kanda. Nous avons déjà parlé de Sila Kanda, le groupe de la moralité, et vous avez compris en quoi cela consiste. Le groupe de la moralité, les préceptes moraux, vont vous permettre de contrôler vos actes physiques et vos actes vocaux. Mais pour contrôler l'esprit, Sila, la moralité, est insuffisante. Il n'y a pas moyen de contrôler l'esprit par les préceptes moraux. Pour contrôler l'esprit, il faut obligatoirement Samadhi Kanda, le groupe de la concentration. Cette deuxième section de l'octuple sentier comprend trois facteurs, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. L'effort juste, c'est Sammavayama. L'attention juste, c'est Sammasati, et la concentration juste, c'est Sammasamadhi. Ces trois facteurs, Samma, Vayama, Sammasati et Sammasamadhi, sont des forces mentales, ce sont des énergies mentales. L'effort juste, Samma, Vayama, est basé sur l'esprit. C'est un facteur de l'esprit et c'est une énergie. Sati, l'attention, nous en avons déjà souvent parlé, est également une grande force, une grande énergie mentale. Et Samadhi, la concentration, est également une force, une énergie. Sans énergie, il n'y a pas moyen de contrôler quoi que ce soit. Pour contrôler, il faut de la force, il faut de l'énergie. L'esprit n'apparaît pas s'il n'y a pas d'objet. C'est pourquoi on essaie de le maintenir fixé sur un seul objet. Et nous essayons de le faire le plus longtemps possible. De cette façon, cette force mentale va se développer. Je voudrais parler maintenant du facteur de l'énergie, de l'effort. C'est une énergie mentale et elle est très importante. Elle peut être développée à l'infini. Cette virya, cette énergie, est le 9e facteur des 37 facteurs d'illumination. C'est donc un facteur très important qui nous sera très utile. Virya, l'énergie, s'enracine dans la confiance. La confiance se dit Saddha en pali. Si la confiance est forte, Virya le sera également. La confiance renforce l'effort. Et ceci est vrai, quel que soit le travail qu'on entreprend. Si on veut faire quelque chose, il faut y croire. Si on n'y croit pas, si on n'a pas de confiance dans ce travail et dans ses résultats, on ne fournira pas beaucoup d'énergie. Et ceci est valable non seulement pour dans la vie spirituelle, mais également dans la vie mondaine. Imaginons par exemple que quelqu'un que vous connaissez bien vous téléphone et vous demande de lui amener 1000 euros parce qu'il en a besoin. Comme vous connaissez cette personne, vous avez confiance en elle, vous allez tout de suite vous mettre en route pour aller chercher cet argent et de lui amener. On voit donc que si Sadda, la confiance, est présente, Viriya l'est également. Plus la confiance est forte, plus Viriya l'effort se renforce. Viriya, l'effort, c'est un facteur qui va soulever l'énergie, qui va la propulser. Une des caractéristiques de Viriya, c'est Pakaha, qui veut dire porter, et Osaha, l'énergie. Elle porte l'énergie, elle la propulse. Viriya, l'effort, veut en réalité dire oser faire. L'effort, c'est également ce qui va permettre d'obtenir des bénéfices. S'il n'y a pas Viriya, l'effort, nous n'aurons aucun bénéfice. Quelle que soit l'activité dans laquelle on s'engage, on peut dire que 75% des bénéfices est dû à l'effort. Lorsqu'on a cette énergie, cet effort, comment se sent-on? On se sent énergique, on se sent éveillé, on se sent alerte, on n'est pas paresseux, on n'a pas l'esprit lourd ni confus. Ce sont les bénéfices de Viriya. Quelle est la cause immédiate de l'effort? L'effort sera renforcé si nous réfléchissons à 8 choses. Les 4 premières choses sont la souffrance de la naissance, la souffrance de la vieillesse, la souffrance de la maladie et la souffrance de la mort. La naissance, la vieillesse, la maladie et la mort sont une souffrance. Et si nous réfléchissons à cette souffrance, nous allons vouloir nous en libérer. Nous aurons peur de devoir subir encore et encore ce type de souffrance et pour ne plus la subir, nous allons donc fournir un effort. La cinquième chose à laquelle nous devrons réfléchir, c'est la renaissance possible dans les mondes inférieurs, les apayas. Nous comprenons que si, au cours de cette vie-ci, nous ne développons pas la compréhension, nous resterons ignorants, et cette ignorance va nous entraîner dans une renaissance inférieure. Nous comprenons cela, cela nous fait peur de devoir endurer la souffrance d'une renaissance dans les mondes inférieurs, et donc nous renforçons notre effort pour ne pas devoir endurer cette souffrance-là. La sixième chose à laquelle nous devons réfléchir, c'est la souffrance que nous avons enduré dans le passé étant donné les multiples renaissances par lesquelles nous avons dû passer précédemment. C'est la souffrance du samsara, la souffrance des renaissances passées. Mais il y a également, et c'est le septième point, les renaissances futures. Si nous n'atteignons pas la libération dans cette vie-ci, nous serons condamnés à devoir reprendre naissance dans le samsara. Et tout ceci, c'est une grande souffrance. Nous réfléchissons donc à tout cela, et cela va renforcer notre effort, notre énergie. Nous nous dirons que nous ne sommes pas encore morts, que nous ne sommes pas encore vieux, que nous ne sommes pas encore malades, et donc c'est le moment de fournir l'effort. De cette façon, nous renforçons Viriya. La huitième chose à laquelle nous devrons réfléchir, c'est la souffrance liée à la vie présente. La vie présente est une souffrance en réalité car nous devons faire beaucoup de choses pour survivre. Par exemple, nous devons travailler et travailler souvent très dur pendant toute la journée pour nous maintenir en vie et survivre. Tout ceci est une souffrance également. Nous le comprenons et nous allons ainsi, tout doucement, souhaiter ne plus reprendre naissance. Nous allons fournir un effort pour y arriver. Ce sont donc là les 8 choses auxquelles il faut réfléchir pour renforcer Viriya. Voyons maintenant les trois niveaux de viriya, les trois niveaux d'effort. On reconnaît trois sortes d'efforts, trois niveaux. Le premier, c'est Arambha, c'est l'effort initial. Vous êtes venu ici et avant d'arriver au centre, vous avez dû vous préparer à cette retraite. Vous avez dû y réfléchir et prendre la décision. Vous avez dû arranger toutes sortes de choses chez vous pour pouvoir participer à la retraite. Vous êtes arrivé ici et vous avez écouté les instructions. C'est l'effort initial qui est assez exigeant. Vient ensuite un deuxième type d'effort, Nekama. C'est l'effort de surmonter toutes les difficultés qui vont se présenter au début. Vous allez persévérer dans votre effort jusqu'au moment où vous aurez surmonté les obstacles. C'est un effort puissant qui devrait être fourni. Et enfin vient le troisième niveau d'effort, Parikama Viriya. C'est l'effort soutenu. Lorsque votre pratique aura pris un certain rythme, vous allez persévérer, continuer à fournir l'effort nécessaire jusqu'à ce que vous ayez atteint le but final ou éventuellement le premier stade d'illumination. Vous êtes déterminé à maintenir votre pratique, à poursuivre votre effort jusqu'au moment où vous aurez atteint le but. Vous ne laisserez pas tomber la pratique. Comment applique-t-on l'effort dans la pratique? Traditionnellement, on reconnaît quatre types d'efforts. Si vous avez viriya, l'énergie et l'effort, et que vous maintenez votre esprit sur l'objet de façon continue, que vous avez donc sati, vous allez éviter de laisser pénétrer dans votre esprit des énergies négatives qui n'y étaient pas encore. Si vous êtes attentif de façon continue et énergique, il n'est pas possible que la somnolence et la torpeur, par exemple, entrent dans votre esprit. C'est viriya et sati qui empêchent l'apparition de cette énergie négative. Mais si vous n'avez pas viriya, que vous n'êtes pas attentif, qu'il y a des interruptions d'attention, les énergies négatives vont pénétrer dans l'esprit. Le deuxième type d'effort consiste précisément à éliminer ces énergies négatives qui sont entrées dans votre esprit. Si vous réussissez à maintenir votre esprit fixé sur l'objet sans interruption, que vous fournissez un effort pour y arriver, que vous notez de façon répétée cette énergie négative, elle va disparaître. Vous avez éliminé une énergie négative qui était déjà dans votre esprit. Ces deux premiers types d'efforts, celui qui consiste à éviter de laisser pénétrer les négativités qui n'étaient pas encore dans l'esprit, et celui qui consiste à éliminer les négativités qui sont déjà entrées, concernent donc les énergies négatives. Si vous réussissez à appliquer ces deux premiers types d'énergie, vous allez passer aux deux suivantes. La troisième consiste à introduire dans votre esprit des énergies pures et positives qui n'y étaient pas encore. Vous avez l'énergie, vous avez sati, vous êtes attentif de façon continue et vous introduisez ainsi dans votre esprit des énergies positives. Vous allez ensuite développer ces énergies positives qui en étaient encore à leur début, et elles vont devenir de plus en plus fortes. C'est le quatrième type d'effort. Ce sont donc là les quatre types d'efforts. Pour mériter l'appellation de Samavayama, l'effort juste qui est un des facteurs du noble octuple sentier, viriya, l'énergie, doit être associée à sati et à la sagesse, à la compréhension. Il faut également que les quatre types d'efforts que l'on vient de décrire soient présents. Ce n'est qu'à cette condition qu'on peut parler de Samavayama, l'effort juste, qui est un des facteurs du noble octuple sentier. Parfois, le niveau d'énergie va baisser et nous serons paresseux. Dans les Écritures, on explique que si le méditant ne travaille pas correctement, il va devenir paresseux. Et il y a 6 raisons à cela. La première qu'il invoque pour ne pas méditer correctement, c'est qu'il fait trop chaud. La deuxième, c'est qu'il fait trop froid. La troisième, c'est que c'est trop tôt. Il s'est réveillé par exemple à 3 heures du matin, a encore une heure devant lui avant de devoir se lever, et il estime que ce n'est pas le moment de méditer. Et il se met à rêvasser. Mais un méditant qui fait preuve d'énergie comprend que s'il s'est réveillé, c'est qu'il n'a plus besoin de sommeil et il se met à pratiquer la méditation en posture allongée. La quatrième raison que le méditant va invoquer, c'est qu'il est trop vieux, trop tard pour lui pour méditer. Une autre raison, c'est qu'il a trop faim. Le matin, par exemple, il a trop faim pour méditer. Ou alors qu'il est trop rempli. Il s'est servi un peu trop à 11 heures et en conséquence, il se sent somnolent. Il a trop mangé. Donc ce sont là les 6 raisons qui vont faire qu'un méditant devient paresseux. Alors dans les Écritures, il y a un sutta de Ananda qui explique les raisons que va invoquer le paresseux pour ne pas pratiquer. En fait, un paresseux recherche toujours son confort. La première raison, c'est qu'il doit absolument faire quelque chose de très important et qu'il a besoin de dormir pour être en forme. La deuxième, c'est qu'il a déjà travaillé pendant toute la journée, il est fatigué et il ne peut donc pas méditer. La troisième, c'est qu'il va entreprendre un voyage le lendemain en avion par exemple, à notre époque, et qu'il doit dormir pour récupérer la nuit qui ne sera probablement pas bonne. La quatrième raison, c'est au retour du voyage, ce paresseux estime devoir se reposer du voyage. La cinquième raison, elle concerne plutôt les moines qui font leur tournée d'aumône. Ils n'ont pas eu assez de nourriture ce jour-là et estiment donc qu'ils sont trop fatigués pour méditer. La sixième raison, c'est l'inverse. Ils ont eu beaucoup de nourriture, beaucoup de dons au moment de leur tournée d'aumône et donc ils ont trop mangé et se sentent somnolents. La septième raison, c'est qu'ils ne se sentent pas bien ce jour-là. Ils ne sont pas en forme. Il ferait mieux de se reposer. Et la huitième raison, c'est qu'après une convalescence, ils estiment ne pas être encore tout à fait au point pour pouvoir méditer. Ce sont donc là les 8 raisons qui sont reprises dans les Écritures que va invoquer le paresseux. Toujours dans les Écritures, on décrit l'attitude de la personne qui détient Viriya et Sadda, l'énergie et la confiance. Elle va penser tout autrement. Pour ce qui est de la première raison qu'invoque le paresseux pour ne pas pratiquer, la personne qui détient donc Viriya et Sadda va réfléchir autrement. Elle a un travail important à faire et contrairement à ce que le paresseux dit, qu'il faut donc qu'il se repose pour pouvoir bien faire ce travail, la personne qui détient Viriya se dit qu'elle va commencer par la méditation et elle sera bien ensuite pour faire ce travail qui est difficile. Pour ce qui est de la deuxième raison qu'invoque le paresseux, il est trop fatigué parce qu'il a eu une journée difficile au travail. La personne qui a l'énergie va au contraire se dire « la journée est terminée, je ne dois plus me rendre au bureau et donc je suis libre, mon esprit est clair, libre de soucis, c'est donc un très bon moment pour pratiquer ». La troisième raison, qui consistait à dormir avant un long voyage, c'est au contraire se dire qu'il va méditer avant d'entreprendre le voyage puisqu'il a le temps. La quatrième raison, qui consistait à se reposer au retour d'un long voyage, ici, pour celui qui détient l'énergie, il pense tout autrement et se dit qu'il est libéré de son voyage et de ses soucis et que c'est donc le bon moment pour pratiquer. Quant à la nourriture, le fait de ne pas en avoir eu assez à sa tournée d'aumône, le moine qui a l'énergie va au contraire se dire qu'il doit en profiter car il se sent léger. S'il a trop mangé et qu'il se sent lourd et somnolent, il va se dire que le fait d'avoir eu de la bonne nourriture et en quantité suffisante lui donne une très bonne énergie, il doit donc en profiter pour pratiquer. Quant à la septième raison, qui consiste à ne pas méditer parce qu'on ne se sent pas bien ce jour-là, la personne qui a l'énergie va se dire que même s'il n'est pas très bien, il faut qu'il pratique car il pourrait être encore beaucoup plus mal. Et la huitième raison, qui consistait donc à ne pas méditer parce qu'on est encore convalescent, la personne qui a l'énergie ne va pas raisonner ainsi, elle va se dire qu'elle doit commencer tout de suite et ne doit pas attendre pour méditer. La personne qui donc détient l'énergie et la confiance, la foi, va réfléchir tout autrement que la personne qui est paresseuse. Avant d'arriver ici pour la retraite en Belgique, je dirigeais une retraite de méditation de 40 jours en Asie. Il y avait là une dame d'une soixantaine d'années qui avait le cancer. Elle n'en avait plus que pour 4 mois à vivre, lui avaient dit les médecins. Cette dame avait viriya l'énergie et sabda la confiance. Elle pouvait encore manger, elle pouvait encore pratiquer, elle n'était pas encore trop affectée par la maladie. Elle put ainsi participer à la retraite pendant 30 jours. Après 30 jours, elle commença à se sentir moins bien et se rendit à l'hôpital. Elle séjourna quelques jours à l'hôpital, puis rentra chez elle, où elle continua à pratiquer. Elle obtint certains bénéfices de sa pratique. Elle était très calme, elle était paisible, et tout ceci était dû au fait qu'elle avait donc Sadda et Viriya, la confiance et l'effort. La personne qui est paresseuse ne détient pas ces deux qualités, elle n'a ni la confiance ni l'effort, et dans cette situation, il y a bien des chances qu'elle abandonne, elle ne pratiquera plus. C'est donc très important d'avoir ces deux facteurs, confiance et énergie, et de pratiquer avant d'être vieux, avant d'être malade et avant d'être mort. Vous aussi, lorsque vous rentrerez chez vous, vous devrez poursuivre votre pratique. De cette façon, vous allez continuer à progresser. Yes, in time, our viriya raise up until reach to the guarantee to reach the our practice of meditation to be progress. After finish the retreat also, we can keep on practicing. So today, enough already here.